fils de pute. Ramé comme un Erwin sans King Park. La vie de ma mère sur mon phone, tel rien qui parle. Avec la Suisse, je crois que je vais finir à l'hospice sur le 06. Il vient pas me parler de low kick, mais de low kick, je pète des câbles. Je fais ce qu'il t'écarte pour qu'il me voit plus. Eh mon sauce, j'ai dû changer 8 fois plus. Truc de PC, je te fais pas dire, c'est paradise en Ferrari. Il est cramé comme un smicard en Ferrari, gros. Je sais qu'il rêve de belle vie. Pour un bon billet, pourrait mettre une balle en pleine vitre. Il a pas de glow, pas de go. Un gosse, pas de go. Rigole pas, gros, c'est pas drôle. Entre schlag et la poucave, je sais pas c'est quoi son camp. Il comprend app quand j'ai dit que j'ai pas son temps. Même sur Facebook, il m'ajoute dans ses amis. Je lui ai dit que depuis que j'rappe, j'ai mis Nesby sur messagerie. Tellement ça me rend ouf, ce bâtard lâche pas l'affaire. J'pense à le fumer quand il dépose son marmot à la crèche. T'es ma quand on parle de la gueule et mon sache-nex. J'pète ma tête et mal fun. C'est encore le capel. Wesh, cof cof, bien ou quoi? Ouais. On peut se capter là, c'est important. Vas-y, bouge pas, j'arrive, t'inquiète pas toi. Tu sais où je suis? Ouais, ouais, t'inquiète pas. Ok, mon sauce. Eh gros, j'sais pas, tu veux quoi? J'sais pas, c'est quoi tes rêves? Si t'es une poucave ou juste un voyou casse les règles. Une chose est sûre, tu pars trop à mon goût, t'es pendu à mon cou. Tu veux que tes chicots parlent à mon coude ou quoi? Fais ta hive avec ton blast de ta gueule. Wesh, calme-toi. S'il te plaît, vas-y, ferme un peu ta gueule. La vie de ma mère, tu rends fou, boy. Tu t'es trompé de rinté, toi, c'est le terrain de football. Eh mes potes, écoute-moi. J'suis pas ton pote, mon pote, j'crois que c'est toi qui écoute pas. Si j'étais un loup, tu serais la femme de l'âne. Continue et ta mère va chialer, tes rafales de larmes. Quoi? À chaque fois que tu m'appelles, en l'air tu fous ma puce. Tu m'as pas respecté, je crois que tu m'as pris pour ta pute. Mais non. Tu veux un motif ou que je te motive dans le film? T'es le mec à part chez moi, chez la locomotive. T'es une poucave comme ton frère, comme ton père, comme ton arrière-grand-père. Et puis merde, nique ta mère, hein. Y'a que deux options, soit tu me fumes, soit tu crèves. Un conseil, tu raccroches et déménages en Ukraine, hein. Eh hey, mais tu parles à qui là? Pas à toi, qu'est-ce qu'il y a? Eh, parle bien! Ferme ta gueule! Stop, parle bien, petit pédé! Ah, t'es comme ferme ça! Ferme ta gueule, on t'a dit! Là. Ouais, je clôture comme ça, vas-y, casse-toi, enculé! Voilà, toi, tu vas casse voir! Toi, tu veux voir quoi, enculé? Vas-y, Staïf, dégage! Ah, va t'enculer, tu vas voir! Chien de tes, va!